survive. Mind shriveling, apply vivid with divine arithmetic. Village pillaging, you could be the plug or the middleman. Vous les avez vus, vous les avez connus, le Macumba, le Zénith, l'Acropolis, les bains-douches, le pick-up, le palace. Et puis, il y avait la nuit des temps. Un club dans le nord de la France qui avait pour particularité de programmer des sons dans tous les sens. De la soul, du funk, de l'électro, de la disco et même du jazz. Chaque semaine, nous allons faire revivre l'esprit unique de ce club. Chaque semaine sur Radio Dio, nous allons rouvrir les portes de la nuit des temps qui, à la fin des années 70, avait créé sa radio, une radio pirate pour diffuser ses playlists. On rallume les amplis, ça grince un peu. On dresse l'antenne comme les studios de la RKO. Bienvenue dans la nuit des temps. La Vierge Rouge, la pétroleuse, la nymphe du pétrole, la déesse du pétrole, la sanglante cabotine, la louve sanguinaire, la nymphe égérie du parti révolutionnaire, la fée de l'anarchie, la fée héroïque, l'héroïque citoyenne, la Jeanne d'Arc du drapeau noir, la Jeanne d'Arc du socialisme, la pucelle de Belleville, la sublime, la sinistre saltimbanque, la mère des anarchistes, la grande citoyenne, la sainte de l'anarchie, la douce qui voit rouge, la Velléda communaliste, la bonne sœur des pauvres, la sœur de charité, la mère au chat, la mère Michel, la larme à l'œil et, finalement, la club woman. Oui, Louise Michel portait aussi le blaze de la club woman. Alors il n'en fallait pas plus à notre bon vieux club pour programmer des productrices qui brandissent de manière révoltée leur son sur les dance floors. Des productrices qui lèvent les corps dans les clubs. Car oui, la révolte est une histoire d'idées, mais aussi de corps qui se soulèvent. Des corps qui se mettent en mouvement. Des corps remués par les femmes. Des femmes qui font danser, des femmes qui mixent, des femmes qui produisent. Ce soir, on célèbre Louise Michel. Louise Michel, la club woman, comme on l'appelait. Ce soir, on célèbre toutes les club women. Bienvenue dans la nuit des temps. nuit des temps des mauvaises filles. Dansez pour Louise. Une femme qui bataille était souvent considérée comme une sorcière, une folle, une dépressive, une hystérique, une maniaque. Et des maniaques magnifiques dans l'histoire de la dance, il y en a beaucoup. Par exemple, dans le film Flashdance. En 1983, avec le célèbre Maniac signé Michael Sambello. Un Maniac repris l'année suivante par Judy Larsen. Et puis ressuscité par la DJ suisse Audrey Danza. She's so maniac. Et nous sommes en 2022. nuit des temps, Radio Duo. Louise Michel était la plus célèbre des communeuses, une icône de son vivant, une queen comme Beyoncé, Madonna, Roberta Flack, Shadé Adou, Grace Jones, Diana Ross, Nina Simone, Santi Gold. Autant de figures qui hantent ce Break My Soul. Oh là là! Les corps se soulèvent. Everybody. Everybody. I'm built for this. I can take it. I can take it. You can do it. I just fell in love. I just quit my job. I'm gonna find no drive. Damn, it worked me so damn hard. Motivation, a new foundation, yeah. Janet, Tierra Whack, Missy, Diana, Grace Jones, Aretha, Anita, Grace Jones, Helen Folasha, De Adu, Jilly from Philly, I love you, boo. Don't just stand there, get into it. Strike a pose, there's nothing to it. Vogue. La nuit des temps, Louise Michel. Loin d'ici, le monde s'échange joyeux. dans les cœurs. L'amour fait sa loi vainqueur. Le temps s'enfuit, nul ne dort. Déjà c'est un lastre d'or. Mais bientôt, la congue devra finir. Les coteaux verront le soleil venir. Puis le jour, au monde dira bonjour. On se voit la danse à grand bruit. Reprends toujours pour la nuit. La révolutionnaire Joséphine Baker. Nous sommes en 1936 et tous ces orphelins à sauver. C'est la conga, vieux, plus continue. Diable est mort, lui parti. Louise Michel, la Woman Club. Bored. And what was the first thing you did to alter that situation of being bored? I floated on the cloud. Like we all do, I suppose. Not all of us. So. And then what happened? The lucky ones. And then what happened? You fell off the cloud. I don't think I ever came down from that cloud. It was wonderful. Just... Joseph von Sternberg a fabriqué l'image de Marlène Dietrich dans le Hollywood des années 30. Jean-Paul Good, lui, ce seront les années 80 avec la diva disco Grace Jones. Mais Marlène comme Grace ont eu cette force et ce talent fou d'éclater les coutures de leur image et d'exploser, de prendre leur envol sans demander l'avis de personne. Miss Dietrich et Miss Jones, Forever. En 1976, la jeune Nina Hagen est considérée comme indésirable en Allemagne de l'Est. Elle fuit et s'installe à Londres en 1977. Nous sommes en pleine révolte punk. 1978, c'est la naissance du célèbre Nina Hagen Band. « thought or a guess that things could get so far out of hand. I'm gonna see you coming down. And I tell you, it's truly great. They got rappers of prize in the Sugar Hill Groove. It's enough to make you shake. I said a hip hop, the hippie to the hip hip hop. You don't stop the rocker to the bang bang boogie. Say up jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. You got Wonder Mike and the Master G plus Big Bad Hank. Well, it's ecstasy. So just pump your fingers and stomp your feet, 'cause you listen to the sound of the Sugar Hill beat. Jam, jam, a jibbit, a jam, jibbit, jibbit, jam, jam, jam on. Well, if you like the slow stuff instead of the jam, here's the Sugar Hill Gang, and here I am. Here I am, as they always say, honey lamb, girl, we love this way. So get the Sugar Hill Gang's new LP, available right now at your favorite record store. Le 6 mars 1978, la productrice Sylvia Robinson fête ses 42 ans au Harlem World Disco. C'est une discothèque située à New York. Des DJ sont accompagnés par des MC qui jouent les premiers sons du rap. Quelques mois plus tard, elle produit les Sugar Hill Gang. Jam, jam, a jibbit, a jam, jibbit, jam, jam, jam on. You got to jam, jam, a jibbit, a jam, jibbit, jam, jam, jam on. Now I'm the man with the golden voice, better known as the lady's choice. The things I do, you know, are the most. It's a party of love and I am your host. Now ladies come and ladies go, just to check out my disco show. And check me out is what they do, singing to a rhythm that's so brand new. I'm scientific, the kid terrific, the mastermind, the cosmic mystic. I'm the Master G with the phenomena, rapping to the rhythm on and on. I'm a devastating rapper with a thunder rap, rapping to the beat, I like it like that. The rap I have controls your will, which is typical of Sugar Hill. You go jam, jam, I jibbit, the jam, jibbit, jibbit, jam, jam. Go on, come on. Jam, jam, I jibbit, the jam, jibbit, jibbit, jam, jam, jam. You got jam, jam, jam, jibbit, the jam, jibbit, jibbit, jam, jam, jam. Come on, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam. Are you ready to party and get on down and jam with the rappers to the funk sound? Well, I heard of this guy they call Master G, and I said he's ready to rock with me. Let me tell you something before you get lost, and G-B's the one that they call the boss. Hey, all of you people, this is no disguise. We're ready to rap and socialize with the capital A-N-G-I-E, but it's really no fun without the capital B. Far as I'm concerned about Master G, he's vicious when he's rapping with me. We're from the north and we're from the south. That's a combination, we can rock the house. Go jam, jam, a jibbit, a jam, jibbit, jibbit, jam, jam, jam, jam, on. Go jam, jam, a jibbit, a jam, jibbit, jibbit, jam, jam, jam, on. We're the best six rappers on the microphone, and we're on the stereo in your home. We rock all the places around the world, but you listen to the voice of Cheryl the Pearl. I'm gonna rap to you about the serious gang with the pow pow boogie and the big bang. But since Big Hank didn't hear my voice, I guess I have no other choice. I heard he's bad, mean and tough, but I wanna hear some of his funky stuff. Jam on! I'm twice as nice, state known eyes, a dedicated king of the disco side. Yes, yes, y'all, we don't stop. Put up on the top, full show shot. Supersonic chicks gonna rock this block. Keep on, and you get rocked. I got a mansion on the mountain, rolls on my garage. Helm of girls got bodyguards, minks and diamonds, rocking through heaven. I even own a DC-7472. All the guys with no respect, big bang. I keep them all in check. Jam, jam, a jibbit, jam, jibbit, jibbit, jam, jam, jam on. Well, I'm quiet as a mouse, but I shock the house. Oh, come on and do it for me. Wonder Mike, we can rock, we can roll, we can roll, we can rock. We can rock this mic till you just don't stop. I said, Mike, are you ready? Are you ready for me to rock to the beat? You see, Blondie is what they say, and I rock the mic in a vicious way. I'm a supersonic, I'm a 3X tank, and I'm on the go. There are three fly guys, and we're three fly girls, and we're ready to rap and to rock the world. Jam, jam, a jibbit, a jam, jibbit, jibbit, jam, jam, jam, jam on. To the big beat. Is there a party over there? Yeah. Well, there's a party back here. Tell me the truth. Is there a party over there like Seb Affair? I'm rapping to the rhythm just everywhere. I don't mean to boast. I don't mean to brag. I bet you thought I'd say toast, but you've been had. You never really know what I'll say next. I'm taking your tummy till you want to rest. Tickle, I played a nickel. To see a man dance just like Rip Van Winkle. Go jam, jam, dibbit, the jam, dibbit, dibbit, jam, jam, go on. You go jam, jam, green eggs and ham. Hey, little boy blue, go blow your horn. You go jam, jam, dibbit, the jam, dibbit, dibbit, jam, jam, go on. One time. Jam, jam, dibbit, the jam, dibbit, dibbit, jam, jam, go on. Well, once again, it's the Master G with the voice that stings like a bumblebee. Like Papa needs spinach, kids need tang. I need a little groove from the Sugar Hill Gang. So open your ears, liberate your feet. We're gonna hit you with a little soulful treat. Like pecan pie without the crust. Like making love without the trust. Like watching TV without the screen. Like strawberry shortcake without the cream. Like April showers without the rain. Like hearing my voice and not knowing my name. It's the Master G, the rapping man. But the thing I like best is a lady's hand. So fine in mind. I can't believe all the day's tensions will soon relieve. You're vicious, nutritious, like a slice of pie. You're so delicious, you're fine, so divine. I'd like to manipulate your mind. You're vicious, nutritious, like a slice of pie. You're so delicious, you're fine, so divine. I'd like to manipulate your mind. Jam, jam, a jibbit, a jam, jibbit, jibbit, jam, jam, jam on. Jam, jam, a jibbit, a jam, jibbit, jibbit, jam, jam, jam on. Jam, jam, a jibbit, a jam, jibbit, jibbit, jam, jam, jam on. Jam, jam, a jibbit, a jam, jibbit, jibbit, jam, jam, jam on. One, two, three, four, five, with the baddest. six rappers that rap re-raps. And it's on and on and on and on and on. Like melted butter of a late meal. It's up and down, well it's all around. It's the jamming to the chip, chip jam sound. But it's Shirt of the Pearl and the Master G. A Big Bang and Blondie. But it's Angie B and the Wonder Mike. Come on everybody, do what you like. I said Peter Piper, Peter Pepper, Pickle Pepper. The Peter Piper picked. Oh come on everybody and jam to the beat of the Supersonic Six. With the combination with our sensation, we hope that you realize that we're the best darn rappers in the whole wide world. This is the Rapper's Reprise. Robinson, avant de faire son beurre avec le rap, a commencé sa carrière dans le rhythm and blues dans les années 50. Elle avait même formé un duo célèbre avec Mickey Baker. C'était Sylvia and Mickey. À la fin des années 60, elle a créé un studio avec Joe Robinson et fonde son propre label, All Platinum Records. En 74, elle compose l'un des premiers hits disco de l'histoire, ce sera Shame, Shame, Shame, chanté par Shirley Goodman. Elle mène en parallèle une carrière solo, avec par exemple ce sublime Pillow Book, au départ destiné à Al Green. L'international de la danse. Non seulement The Mother of Hip Hop a créé ce qui est considéré comme le premier hip rap, mais elle aura aussi propulsé Grandmaster Flash vers les sommets avec le fameux The Message. Elle sera l'une des premières femmes productrices dans l'histoire du R&B. Elle était, paraît-il, terrible sur le business, souvent en litige judiciaire, mais parfaitement freaks control sur l'ensemble de ses projets. Et ça, ce n'était pas le style de Jocelyn Brown. Jocelyn Brown qui nous invite à dépasser les montagnes. C'est la rive d'un nouveau monde, c'est le matin d'un nouveau jour, d'une ère enfin moins inféconde. Levée de science et d'amour, à l'aube nous sommes à peine. Le progrès dans l'éternité s'en va sans fin, mais plus de chaîne. Enfin, voici l'humanité. Here as long as you want me, baby. Louise Michel était une combattante amoureuse de l'humanité. Sa mémoire a été convoquée par les partis politiques, les mouvements révolutionnaires, les humanistes de tout poil. Prononcer son nom, c'est trouver la force de se mettre en mouvement. C'est trouver la force de se tenir debout, de trouver le courage pour vivre à la hauteur de ses idéaux. C'était Louise Michel, la Club Woman. La Club Woman, comme on la surnommait dans la presse de son vivant. Et nous avons accueilli sur le dance floor de notre bon vieux club toutes celles qui participent à changer le monde. À changer le monde en produisant du son. Et c'est ce son qui nous donne envie de se tenir debout et de danser avec puissance et joie. Pour la puissance, nous avons reçu la fantastique Black Madonna qui vous réchaufferait un congélateur. Judy Larsen et Audrey Danza retournent l'insulte machiste de Maniac pour en faire un argument de dance ultime. Beyoncé et Madonna pour la joie et qui s'affirment comme des queens et même des old queens qui ne craignent pas de rebattre les cartes sur l'âge. Joséphine Baker qui a sauvé tant d'orphelins avec sa fondation située dans le sud-ouest de la France. Onedi John, une productrice activiste pour les droits liés à la transidentité. Nous avons reçu Grace Jones également, et qui a su éclater les coutures de son personnage si beau, si graphique et si impressionnant. On aurait pu programmer Siouxsie, mais ce soir, c'était Nina Hagen pour le punk. Et Sylvia Robinson, rien de moins que la productrice qui a fait exploser le rap dans le monde entier. Cette nuit des temps s'inscrit dans le cadre de la quinzaine Louise Michel, qui propose un programme foisonnant de concerts, de théâtre, de débats et de radio sur Saint-Étienne. Toutes les infos sont sur le site de Radio Dio. Cette émission s'est aussi inspirée d'un bouquin formidable. C'est tout simplement Louise Michel, écrit par Marie-Hélène Bellac aux éditions Perrin. Et rien de tel pour regarder les étoiles dans le ciel de Saint-Étienne et percevoir, un peu plus brillante que les autres, celle de Louise, briller pour un long moment encore. Dans quelques instants, les bonus de la nuit des temps, la nuit continue. Buenas noches. Salut.